Comme vous savez, j'aimerais parler de ce de quoi j'aimerais parler ce matin, c'est de la toute suffisance de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité. C'est ça le sujet. La toute suffisance de Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ suffit et suffisant. Fait que je demandais du Seigneur de pouvoir vous parler clairement et vous communiquer clairement ce que je crois que lui a placé dans mon cœur. On va lire chapitre 2 de Colossiens. Pas tout le chapitre. On va commencer à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vais arrêter ici la lecture pour le moment. Et on va se lancer. Ce qui va être dit ce matin va être l'appui de ce que Jean-Claude et Gilles particulièrement ont dit les deux dernières semaines. Notre frère Jean-Claude, la semaine passée, nous communiquait le désir de Dieu de voir ses enfants être reconnaissants. Vous vous rappelez de ça? OK. Et Gilles nous communiquait, puis là je résume, hein, c'est en une phrase, comment, dans le fond, il y a des choses auxquelles le Seigneur nous demande de prendre garde. Ça résume un petit peu? OK. Maintenant, j'aimerais lire Psaume 19, à partir du verset 7. C'est extraordinaire ce psaume-là, hein, parce que c'est un psaume qu'on est en train d'apprendre avec les enfants, depuis quelques semaines déjà. Et puis, hier, on est allé à une conférence, Gilles et moi, on pourra vous en parler éventuellement, une conférence sur l'Évangile, c'était affiché, l'Évangile, une puissance au quotidien, ok? C'était très bien, la deuxième partie particulièrement m'a beaucoup rejoint, très très concrète, et il a cité ce psaume-là aussi. Mais ce que je vois dans ce psaume en particulier, c'est que Dieu, ça commence, les cieux racontent la gloire de Dieu, donc on regarde ce que Dieu a fait. Puis on voit Dieu dans ses œuvres. On voit sa gloire. Puis tout à coup, il nous parle de la parole de Dieu. Puis il finit le psaume bien personnel. Ça me touchait ça ce matin. Mais on va aller au verset 8, d'accord? La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Partout où vous voyez la loi de l'Éternel, le témoignage, les ordonnances, Vous pouvez penser la parole de Dieu. Okay? C'est ce que la parole de Dieu fait. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Et là, David parle de lui-même. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qui ne dominent point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je vais revenir à ce psaume tantôt, je voulais au moins le lire en introduction. Maintenant, dans Colossiens, il y a des déclarations qui sont faites, qui sont absolument renversantes, là, mais qui sont vraies, bien qu'elles sont renversantes, mais des déclarations auxquelles on ne peut pas passer à côté. Par exemple, on l'a vu il y a quelques semaines, dans chapitre 1, il nous parle de Jésus. « Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. » Verset 17, chapitre 1. « Et toute chose subsiste en lui. » Ça, c'est des déclarations, les frères et sœurs bien-aimés. « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Et si on recule un petit peu à quelques versets avant, c'est écrit au verset 15, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Vous pouvez dire « Amen », hein? Sentez-vous à l'aise. « Le premier-né de toute la création. » Ça veut dire quoi, ça? Il a la primauté sur absolument tout. Il est le maître souverain de l'univers, sur toute la création. C'est ce que Jean-Claude avait apporté, entre autres, il y a quelques semaines, vous vous rappelez? Il est le souverain. Quand on arrive au chapitre 2, il nous dit, au verset 9, le Seigneur dit à travers Paul, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Dans ce chapitre-là, chapitre 2, vous allez voir que souvent le mot « corps » revient. Et c'est pas pour rien. Le Seigneur veut nous communiquer quelque chose. Puis, pour être honnête avec vous, je vais parler ce matin de choses qui sont plus grandes que moi personnellement et pour lesquelles moi-même je dois encore être perfectionné. Des choses pour lesquelles les mots me manquent aussi pour les faire comprendre comme je pense les comprendre. Mais je compte sur le Seigneur. Je compte sur le Seigneur pour nous éclairer puis nous faire comprendre sa volonté, ce qu'il veut dire. En fait, ce qui est nécessaire pour notre édification mutuelle, OK? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, il nous dit ici que Jésus-Christ, physiquement, en lui, tout ce qui est Dieu, tout ce qu'on peut appeler Dieu, donc Dieu lui-même, est présent. La totalité de Dieu est en Christ. C'est ça qu'il dit. Il est pleinement Dieu. En lui habite corporellement, dans son corps, toute la plénitude de la divinité. Quand il a quitté le ciel pour venir, mais non seulement ça, quand il est remonté aussi. C'est quoi la plénitude? Comment vous pouvez traduire plénitude? Je lance la question à ceux qui veulent se tenter. Hein? C'est complet. Tout à fait. La plénitude, c'est complet. Il manque rien. Tout ce qu'on peut appeler, tout ce qui appelle à être comble, comblé, à être plein, à être rempli. Premièrement, en Christ, c'est écrit que lui, en lui, habite corporellement, physiquement, toute la plénitude de la divinité. L'expression totale de Dieu est en lui, physiquement. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens 5, c'est écrit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même ». Vous vous rappelez de ça? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et là, au verset 10, c'est écrit, « Vous avez tout pleinement en lui. » Il y a une virgule, on va continuer tantôt. « Vous avez tout pleinement en lui. Toute plénitude, vous l'avez en lui. En lui, vous êtes parfaitement comblés. » C'est ça que Dieu dit. Tout ce qu'on peut appeler de désir d'être suffisant, d'être tout ce qui est nécessaire à une vie abondante, à ce que certains appellent la félicité, la joie, tout ce qui est nécessaire, parce que la plénitude, quand on dit toute la plénitude de Dieu habite corporellement en lui, c'est que toute la présence de Dieu est en lui. Et il dit, nous, on a tout pleinement en Jésus-Christ. On va y réfléchir ensemble. Christ, il suffit en tout et pour tout. C'est volontaire, là, le « en tout et pour tout ». Jésus a dit dans Jean 10:10, il dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance ». Ça, c'est la plénitude. J'essaie de vous donner des exemples pour essayer de comprendre mieux la plénitude, parce qu'il faut essayer de le saisir. Parce que c'est pas des cris. Hein? Comme on parlait de la grâce, l'amour de Dieu, elle est visible. Dieu fait des déclarations au sujet de son amour. On a connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour nous. On connaît l'amour, on la comprend parce que Dieu a fait quelque chose. Pareil pour la plénitude de Dieu en Christ. Et l'idée que nous avons tous de sa plénitude. Comparer un ventilateur avec le vent. Le vent serait la plénitude. OK? Comparer un puits où vous devez aller puiser l'eau à la mer. La mer serait la plénitude dans ce cas-là. Comparer un pot avec une fleur à un champ rempli de fleurs de champ, de toutes sortes. Ce deuxième, le champ, serait la plénitude. OK? Comparer votre petit écran Windows là, avec la petite photo artificielle où on voit un ciel puis une montagne et tout ça, à ce que vous allez voir à l'horizon quand vous allez, je sais pas moi, voir le Grand Canyon ou n'importe quel paysage grandiose. La plénitude est plutôt là, dans ça. Donc, ça nous donne un peu une image. Tout ce qui est grandiose, tout ce qui est plein, tout ce qui vient combler. Et Dieu dit dans Jean 1 que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et il explique pourquoi. Il dit car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça, il nous explique quelque chose quand il dit ça. Il y a quelque chose que Jésus a apporté que Moïse n'a pas apporté. Et c'est la grâce et la vérité. Et en apportant la grâce et la vérité, il a apporté la plénitude, tout ce qui vient combler et remplir le cœur. Il a apporté Dieu à l'homme. N'est-ce pas? Il nous dit, au verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Et dans les Écritures, quand on voit le mot domination et autorité, souvent, ça fait appel au monde céleste. Okay? Tout ce qui est démon, tout ce qui a une certaine hiérarchie non visible, tout ce qui est décrit par des pouvoirs, des puissances, les anges. C'est écrit ici, dans votre Bible, que Jésus-Christ, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Non seulement il est le chef, il est le chef, mais c'est écrit au chapitre 1, au verset 16, c'est important de le lire. « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Ça a été créé par lui. Et Dieu a élevé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, et il a fait de lui le Seigneur de l'univers, dans Philippiens 2. Tout ce qui est en train d'être placé devant vous, à ce point-ci, doit avoir une implication bien concrète, là. On va y arriver. Mais il faut saisir ces choses, il faut se les rappeler. Quand on arrive au chapitre 2, verset 13, c'est écrit que vous qui étiez morts par vos offenses, il nous parle à nous. Par nos offenses, Dieu dit qu'on était mort. Et par l'incirconcision de notre chair. Il dit qu'il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ici, un focus sur la croix, ce que Christ a fait à la croix. Et c'est grandiose ce qui est expliqué ici. Il dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Qu'est-ce que la loi, dans la parole de Dieu, la loi de Moïse, déclarait entre autres choses, qui ordonnait notre condamnation? Est-ce qu'il y a un verset dont vous vous rappelez peut-être, une parole du Seigneur? J'ai entendu quelque chose, levez la main parce que je... OK, ça c'est dans le Nouveau Testament, c'est clairement écrit, mais c'est vrai. Okay? Mais ça, on peut l'appuyer dans l'Ancien Testament avec d'autres paroles que Dieu a dit. La première déclaration. Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Tu mourras certainement. Il a commencé là, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et quand la loi vient, longtemps après, là, et que Dieu donne la loi à Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand il donne simplement à une femme menstruée d'être exclue du camp et offrir ensuite un sacrifice pour réintégrer, quand un homme a volé le bœuf de son voisin et qu'il doit restituer, quand un homme a touché un cadavre et qui est devenu impur, qui devait être exclu, quand toutes ces choses-là arrivaient, il y avait des ordonnances, des actes qui condamnaient. Quand un homme déshonorait ses parents, quand une femme ou un homme commettait l'adultère, quand c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Deutéronome, « Maudit est quiconque est pendu au bois », parce qu'il est un objet, on pourrait le lire, de souillure devant Dieu, quelque chose comme ça. Jésus, quand il meurt sur la croix, il dit qu'il efface l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Est-ce qu'il y a eu un papier qui a été mis sur la croix? C'est ça que ça veut dire? Qui était sur la croix? Jésus. Qu'est-ce qui a été transpercé, Luc? Son corps, ses mains, ses pieds, son côté. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est ça que Jésus a fait. L'acte qui nous condamnait, il l'a cloué à la croix. En sa personne. Quand il est suspendu sur le bois, nos offenses sont sur lui, notre condamnation est sur lui, et il souffre, il meurt pour les péchés. Il a dépouillé, et ça va plus loin. Non seulement ça, quand il est sur la croix, c'est écrit qu'il a dépouillé, mis à nu, il a débarrassé, il a vidé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand il est sur la croix, il est en train de dépouiller en même temps, de crier victoire sur les dominations, les autorités, et Dieu dit qu'il les a livrées publiquement en spectacle, il a exposé leur honte, leur condamnation dans sa personne sur la croix. Ce même Seigneur, dans le fond, qui a créé toute chose, a accompli toute chose. Le verset 10, la deuxième partie, nous parle de la seigneurie de Christ sur tout pouvoir. Il est le Seigneur sur tous, sur tous les pouvoirs, tout ce qui peut se nommer. Verset 11. Et il dit, c'est en lui, qui ça? Celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Dieu en Christ. Pleinement Dieu. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. La circoncision, c'est débarrasser le corps d'un morceau de chair que Dieu a déclaré, tu vas l'arracher, tu vas l'enlever. C'est débarrasser le corps d'un morceau de chair. Littéralement, c'était ça. Quand Dieu dit à Abraham, tu vas te circoncire les mâles, les gars dans ta famille, c'est ça qui se passe là. Quelque part, il y a un morceau de peau qui est enlevé et qui ne reviendra plus jamais. OK? Mais ici, Dieu il dit, il ne parle pas de ça, là. Il fait une comparaison. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a quelque chose que le Seigneur a accompli en même temps, en mourant sur la croix. Et qu'il accomplit dans le cœur de ceux qui croient en lui. Oui, Rémi. Excellent. 2 Corinthiens 3:9, il compare le ministère, il parle de la loi, sous la loi, il appelle le ministère de la condamnation. Et pourtant, le ministère sous la loi, quand Moïse donnait la loi, le peuple avait quand même en vue la gloire de Dieu qui resplendissait sur le visage de Moïse. Mais Dieu dit que cette gloire-là était passagère. On avait vu ça ensemble dans 2 Corinthiens, si vous vous rappelez un peu. Vous l'avez lu de toute manière. Mais Dieu appelle ça le ministère de la condamnation. Mais il compare le ministère de l'Esprit maintenant, qui habite dans le cœur de ceux qui croient, de ses enfants, qui est d'autant plus glorieux, supérieur en gloire. Parce que la présence même de Dieu dans nos cœurs. Et c'est ça qui est écrit dans le chapitre 1, qu'on lisait il y a quelque temps, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Fait que Christ nous a débarrassés, au verset 11, il nous a débarrassés de la chair. La chair, là, dans la parole de Dieu, des fois, c'est la peau, littéralement. Donc, ça peut être traduit par corps. Mais des fois, la chair, c'est d'autres fois, c'est toute la nature pécheresse en nous. Tout ce qui est contraire au désir de Dieu. Tout ce qui est convoitise, contraire à la volonté de Dieu. Et ici, c'est ça. Et il nous dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Quand quelqu'un a mis sa foi en Jésus-Christ, qui s'est fait baptiser, quand la personne se fait baptiser, du moment où elle est sous l'eau, elle vient de dire non à sa chair. Elle vient de démontrer que sa chair a été crucifiée avec Christ. Fait que tout ce que la loi décrivait, toutes les condamnations que la loi dit, que ce soit celle qu'on a nommée tantôt, là, parce que tu as volé, parce que tu as méprisé tes parents, toutes les condamnations qui sont reliées à ça. Quand le Seigneur est condamné sur la croix, quand il est cloué là, c'est exactement cette pénalité-là, ce châtiment-là qu'il porte sur lui. C'est pour ça que la loi, elle n'a plus d'effet sur l'enfant de Dieu. Parce qu'on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Puis on va le voir dans quelques instants encore. Dans Éphésiens chapitre 3, au verset 14, c'est Paul qui parle, il dit, à cause de cela, il vient de parler du mystère de Dieu, comment les richesses incompréhensibles de Christ, comment il a mis en lumière ce mystère-là. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Sa prière, c'est que Dieu, selon la richesse de sa gloire, nous fortifie puissamment par son esprit dans notre homme intérieur. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pourquoi? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est toute une prière, hein? De sorte que vous soyez remplis de Dieu. C'est ça le désir, qu'on soit rempli de Dieu. On a-tu fini de découvrir Dieu? Quand l'Esprit de Dieu met à cœur à Paul d'écrire, afin que vous soyez puissamment fortifiés par son Esprit dans votre homme intérieur, il y a un but en tête, un désir ardent de Dieu. C'est qu'on soit pleinement rempli de Dieu. En tout cas, moi, ça je me sens petit devant ces déclarations-là, mais je crois ce que Dieu dit. Je crois ce qu'il dit. Ce qui remplit, ce qui comble, ce qui complète, c'est Christ. J'aime beaucoup l'expression en anglais « wholesome » ou bien « he made me whole ». Il m'a rendu complet, entier. Pourquoi? Parce que le péché, on manquait Dieu. La question se pose à mon âme. Je vais la poser à mon âme, à défaut de la poser à votre âme. Qu'espères-tu aller chercher dans l'impureté que le Seigneur ne peut te donner? Que penses-tu trouver chez l'impudicité que tu ne peux trouver en lui, ô mon âme? Qu'attends-tu de la cupidité, mon âme, que Christ ne peut te procurer? Que comptes-tu recevoir de tes mauvais désirs, ô mon âme, que le Seigneur ne peut t'apporter? Tu as tout pleinement en lui. Sois en paix et satisfaite, ô mon âme. Lui seul nous suffit. C'est ça le message. C'est ça que Dieu dit. Lui seul nous suffit. Il est notre sagesse, il est notre connaissance, il est notre trésor. David pouvait prier dans le psaume 19 qu'on a lu tantôt, à la fin du psaume, Il dit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Et il dit aussi, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Là, il faut lire, là, des péchés d'orgueil. C'est ça qu'on doit comprendre. Préserve-moi des péchés d'orgueil. Préserve-moi de la présomption. C'est quoi la présomption? La présomption, c'est parce que une personne est tellement fière d'elle-même qu'elle présume ou préfigure ou pense d'elle-même beaucoup trop, qu'elle se voit d'une trop grande importance. Dieu, préserve-moi de me voir comme ça. Pourquoi? Qu'il ne domine pas sur moi ses péchés d'orgueil. Pourquoi? Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi. Christ, il nous suffit, c'est ça qu'on apprend là, ok? Vous avez tout pleinement en lui. Christ, il domine sur tout. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Là, il faut le prendre par la foi, là. Non, mais c'est sérieux parce que sinon, on fait juste la théoriser, là. C'est quoi l'implication pratique de ça? Qu'est-ce que ça fait dans votre vie, là, de savoir que Christ, il domine sur tout? Un, il faut le croire. C'est quoi l'implication pratique que Christ domine sur tout? Est-ce qu'il y a un péché qui est plus fort que Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une créature qui est plus forte que Christ? Hey, la mort n'est pas plus forte que lui, là. Pour les saints qui meurent, mourir, c'est gagner. C'est gagner. J'ai gagné, Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu nous console aussi. Notre sœur a gagné, a pas perdu. Nous, on l'a perdu pour un temps, mais on va se retrouver. Ça, c'est un aspect. Christ, il nous suffit, il domine sur tout. Christ a conquis, ok? C'est ça qu'il nous dit dans versets 13 à 15. Il a conquis. Il a la victoire sur tous ses ennemis. Ça, c'est tous nos ennemis aussi. Fait qu'à partir du moment où j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur, puis j'ai dit, Seigneur, tu es le Seigneur. Quand j'ai compris, comme l'homme qui était un bandit, un criminel sur la croix à côté de Jésus, quand j'ai compris, comme lui, que celui qui est sur la croix, il est le Seigneur, il est le roi des rois, qui va revenir pour régner. C'est ça qu'il a déclaré à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu vas venir comme roi, Seigneur. C'est ça qu'il lui a dit. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait rien. C'était un criminel, un pécheur, mais il s'est repenti et il a cru que l'homme qui était sur la croix, à ses côtés, n'était pas un meurtrier. C'était le Fils de Dieu. Et Jésus lui a dit, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Fait qu'à partir de ce moment-là, lui, il est mort. Il est passé directement au paradis, là. De la croix au paradis. OK? En présence de Dieu. Mais à partir du moment où j'ai fléchi les genoux devant le Seigneur, il devient l'aspiration de ma vie. Il est l'aspiration de ma vie. Il est le souffle de vie en moi. Tout ce qui est vivant en moi, là, c'est lui. Il est ma raison de vivre. C'est ça qu'il est, Seigneur. Il est mon chant, ma force, il est ma justice, il est ma passion, puis il est mon amour. Il est ma référence par excellence. Il est mon soutien. Il est ma guérison. Il est mon salut. Il est mon Seigneur et mon Dieu. Il est ma sagesse. Sans Jésus-Christ, là, je ne suis rien. Sans Jésus-Christ, la vie ne vaut rien. Sans Christ, la mort, c'est ma fin, puis la vie, elle est juste peine et misère, que Dieu dit. Puis on peut le déclarer haut et fort, puis je veux le déclarer, là, Christ est ma vie. C'est ça qu'on peut dire. Christ est ma vie. C'est ce que Jean-Claude a cité dans Colossiens 3, c'est écrit ça. Christ, quand Christ, votre vie, c'est qui votre vie? Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Fait que notre vie n'apparaît pas pour l'instant. Et quand même, si tout en moi pourrissait, Jésus-Christ serait quand même le rocher de mon cœur et mon trésor. Fait que quand Christ, Jésus, nous dit qu'il est, que nous avons tout pleinement en lui, nous sommes comblés de toute plénitude, de tout ce qu'on peut appeler complétude, de tout ce qu'on peut appeler bien-être, bonté, trésor, tout ce qui est excellence. Tout ce qui peut être appelé beauté. Tout ce qui peut être appelé désir est en lui. Tout ce qui peut être appelé victoire est en lui. Quand il parle de notre corps, j'en ai déjà parlé en cours de route, mais quand même, on va revenir sur l'aspect du corps. Dans Romains, au chapitre 8, Dieu parle de notre corps. Et il parle de notre corps comme étant mortel. C'est vrai. Mais en même temps, verset 11, chapitre 8, il dit, « Et si l'Esprit... » On va aller verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Quelle justice? La justice que Christ a accomplie sur la croix. Cette justice-là, il a été condamné à notre place. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. C'est quand ça? On va continuer pour comprendre. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et ici, c'est tout ce qui est contraire à Dieu, qui peut être contraire à Dieu en nous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Hey, c'est fort, là. Qu'est-ce que Dieu dit? Il est en train de nous dire que si par l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, on fait mourir les actions du corps, il faut entendre les actions mauvaises du corps, contraires à la volonté de Dieu. Donc, il nous dit qu'on a la capacité par l'Esprit de Dieu de faire ces choses. Parce que Dieu ne le dirait pas sinon. OK? Ce que Dieu commande, il nous donne la capacité de le faire aussi. Ça, il faut le croire, même si on a de la misère. Il faut le croire quand même, parce que c'est la vérité. Ce qu'il commande, il nous donne la force de l'accomplir. C'est vrai. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Et c'est ce qu'il dit dans Jacques. La convoitise, quand est amorcé par, quand je suis amorcé par ma propre convoitise, là, Jacques chapitre 1, juste pour parallèle avec ce que j'essaie de vous dire par rapport à la mort, entre autres, là. Mais chacun est tenté, Jacques 1,14, est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Okay? C'est comme si je me mets un hameçon devant moi, puis je cours après, puis j'essaie de mordre à l'hameçon. C'est vraiment ça. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Le péché produit toujours la mort. Okay? Même un enfant de Dieu, quand je pêche, le produit final du péché, c'est la mort. C'est contraire à la vie. Je me sens pas heureux. Je me sens complètement dévasté, misérable, avec raison. Je viens d'attrister l'Esprit de Dieu. Ça s'appelle les sentiments de la mort. C'est comme ça que ça s'appelle. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et ça veut dire, un peu plus tôt, au verset 8, au chapitre 8, un peu au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam dans le jardin, ensuite qu'il lui dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'un jour tu mangeras, tu mourras certainement. » Quand Ève, dans son corps de femme, séduite par le serpent, son esprit est trompé, son corps tend la main, mange, son âme vient de mourir. Donne à son mari, même chose qui vient d'arriver. Adam a transgressé. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés dans des corps, là. Dans des corps pour les servir. Et le corps est important pour Dieu. Il nous dit dans 1 Corinthiens que le corps est à Christ, est au Seigneur. Et il nous dit qu'on a été racheté à un grand prix. Et il veut qu'on glorifie dans ce corps. Oui, oui, Jean-Claude. Oui. Amen. Amen. Amen. Tout à fait. Tout à fait. Tout le monde a bien compris? OK. Ça, c'est l'autre penchant. Que je ne suis pas sûr que je vais aborder en détail, mais on l'a quand même cité la semaine passée. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, OK, ça va avec le verset 12 du chapitre 2, OK? Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu déclare. Il dit qu'on est ressuscité en lui et avec lui, déjà, par la foi en la puissance de Dieu. Et au chapitre 3, verset 1, il dit, « Sinon que vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Où Christ est assis à la droite de Dieu. Puis quand on y pense, là, le jour où je meurs, ici-bas, si Jésus est pas revenu avant. Mes convoitises, là, où est-ce qu'elles restent? Elles restent ici. Non, mais c'est extraordinaire. Et en même temps, ça doit nous pousser à rechercher autre chose que nos propres convoitises. Ma jalousie à l'égard de mon prochain, elle reste tout. Mon désir de posséder de l'argent plus. Ce à quoi je suis vraiment attaché de façon terrestre, ça peut être n'importe quoi là, que vous pouvez penser, là. Ça reste ici. Toutes mes luttes, toutes mes désobéissances, tout ce qui est, quand j'ai flirté avec le monde, quand je meurs, ça reste ici. Parce que quand je vais avec le Seigneur, j'apporte pas ça. Mais ça devrait être, dans le fond, un puissant motivateur pour chercher les choses d'en haut. Parce que Dieu dit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ, qu'on est assis avec lui. Il dit s'affectionner aux choses d'en haut. Et je vous dis, je suis pas parvenu, là. Je vous enseigne autant qu'à moi, là. quand on y pense, on revient toujours à la même case. Qu'est-ce qui a fait que Paul lui-même a renoncé à tout ce qui était ce à quoi il s'attachait? Vous vous rappelez? Il dit dans Philippiens, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et c'est pas pour rien que le Seigneur prie à travers Paul, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie, dans le chapitre 1 de Colossiens, qui demande à Dieu qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est ça le point de départ. Puis quand vous voyez spirituel dans la parole de Dieu, ça veut dire de l'Esprit de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que plein de monde parle de spirituel, mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Spirituel, ça veut dire de l'Esprit de Dieu. Fait que ce que Dieu désire pour nous, c'est qu'on ait une connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et là, il y a des fruits qui vont venir. Mais en même temps, Dieu dit, dans le chapitre 3, verset 5 de Colossiens, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Ou « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre » dans d'autres traductions. Et c'est drôle, il ne parle pas de la main, des pieds, des jambes, des genoux, du dos, du bassin. Il parle de l'impudicité. Il parle de l'impureté. Il parle des passions. Il parle des mauvais désirs, de la cupidité qui est une idolâtrie. Et il dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voyez-vous? Mais en même temps, Dieu nous appelle, nous ordonne de s'affectionner aux choses d'en haut, d'avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Donc, il faut que je médite sur Christ. Il faut que je saisisse qui est Jésus-Christ de plus en plus. Il faut que je saisisse c'est quoi la gloire qui nous attend. Il faut que je saisisse l'héritage qui s'attache à son appel. En même temps, je dis bien, Dieu nous dit de faire mourir, donc de dire non par la foi, de renoncer. Donc, il y a un acte de décision, d'intention là-dedans. Et on s'en parle souvent, j'ai les mois, du moment où je général, n'importe qui d'entre nous, là, croit au Seigneur Jésus, se convertit au Seigneur Jésus, il y a des choses qui, tout à coup, l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un homme qui vous l'a dit, mais l'Esprit de Dieu vous a pointé quelque chose dans votre vie à vous débarrasser. Et ça va être différent pour chacun, parce que pour chacun, il y a des attaches. Dans Acte 19, il y a des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Jésus et qui ont brûlé des livres de magie, de divination, tout ça. Hey, c'était le feu de joie, mais ils brûlaient des livres auxquels ils étaient attachés, des livres de sciences occultes. Pour d'autres, ça va être ça, d'autres livres. Moi, dans ma vie, c'est arrivé, je me suis débarrassé des livres qui blasphémaient Dieu, là. J'avais plein de livres à la maison. J'ai cassé des CD en mille miettes pour être sûr que personne ne les écoute. Mais il n'y a personne qui m'a dit, Michel, tu devrais casser tes CD. Oui, il y a quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu. Il l'a fait. Et croyons que Dieu fait ça. Et c'est ça l'appel en même temps. Mais pourquoi? Parce que il n'y avait rien de plus cher que Christ. Je termine avec deux choses. Romains 2, il parle de la circoncision. Romains 2, 28 et 29. Il parle de tous les Juifs de l'Église. OK? Les Juifs que vous êtes. Il dit le Juif. C'est intéressant hein, que le mot Juif, ça veut dire celui qui dit les louanges. OK? C'est les louanges. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, dans la peau, ici. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Dans Romains, au chapitre 6, il nous dit, au sujet de Christ, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Il dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Il y a un acte de foi où nous devons nous considérer, nous regarder comme ça, peser la condition dans laquelle Dieu dit que nous sommes. Peser, c'est volontaire, là. Le mot regarder, qu'on sait, il y a l'aspect de peser, d'évaluer. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc, il parle de ce corps-là. Il ne parle pas du corps glorifié. Il parle de ce corps-là qui va mourir. Mais quand Dieu dit ça, encore là, il donne la capacité de le faire. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ma prière, c'est que mon corps soit un instrument de justice pour Dieu. Et il nous dit, verset 14, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Est-ce qu'on croit ce qui est écrit là? Mais il dit pourquoi? Il dit, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude, Dieu dit, et grâce sur grâce. Ah, oh, mes amis, comment comprendre ça? Psaume 86, 11. Dans le français courant, c'est écrit, « Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. » Je trouve que c'est tellement une belle traduction là, du psaume 86, 11. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Et on voit le cœur de David hein, dans les psaumes, juste le psaume 19, là, quand il dit à Dieu, éloigne de moi les péchés d'orgueil. Il veut plaire à Dieu. Être entièrement agréable à son Seigneur dans tout son être. Mais la beauté, c'est que Dieu va le faire. Il attend par contre et il souhaite notre collaboration.